Un galopin, s'il vous plaît, Tavernier. On nous presse de tous les côtés. La pression sociale lourde et serrée, comme la mousse d'une bière agitée, elle monte et menace de déborder. Les airs s'étirent, longues et amères, sous le poids des responsabilités, comme sous terre. La pression sociale, invisible et dense, comprime l'esprit, étouffe la conscience. Face à Pôle emploi, la pression s'accentue, comme la pierre trop gazeuse, elle continue. La pression du résultat, lourde et insistante, comme le trop-plein d'une chope devient suffocante. Le burn-out guette tel un loup affamé, prêt à bondir sur le travailleur épuisé. La pression sociale, comme le gaz carbonique, s'infiltre, sature l'atmosphère toxique. Les amis, eux, sont des bulles légères qui remontent la surface éphémère. Ils apportent un répit, une douce évasion, mais face à la pression, c'est une fragile solution. Les addictions s'invitent, séduisantes et trompeuses, comme l'ivresse d'une bière trop généreuse. Elles promettent l'oubli, un soulagement instantané, mais ce n'est que des pièges finement camouflés. La bière coule, la pression libérée, mais l'homme reste dans ses pensées piégées. La société impose, dicte sans pitié, et comme la bouteille, on se sent compressé. Compressé. Pourtant, comme le houblon, on peut s'élever au-delà des attentes, des normes imposées, trouver sa voie, sa propre identité. Et comme la pression, enfin se révolter. Il faut alors trouver la soupape, laisser s'échapper la vapeur, pour que la pression ne devienne pas notre fossoyeure. Et chercher l'équilibre, la juste mesure, pour que la vie, comme la bière, garde sa pureté, sa nature.